Ocho Halcones. Personne ne connaît l'histoire de ces jeunes fils de prolétaires qui préfèrent les dinars petits. Et ça se crie tous ces 68. Il faut la des affiches jolies derrière et qui sera les patrons de Dago. Jacques Chirac est communiste. Georges Marchais est gaulliste. À 20 ans, il a pris le capital dans le petit livre rouge. Quand il a dit à Marco, il y a beau un t-shirt de Mao. Le sort avec la femme de la joie. Il se crie un monde communiste. Jacques Chirac et communiste. Georges Marchais et gaulliste. Quand il rentre chez lui, il a mis sa liste et il manifeste. Il écoute le chiffon rouge avant d'aller dans son bar préféré. Tous les soirs il va se saouler avec ses amis du PCF. Jacques Chirac est communiste. Georges Marchais est gaulliste. Je passerai la main au Vidiane, mais elle m'embrassait Gorbatchev. Il était dans l'humanité, son attachement aux ouvriers. Il aime tout Marcel Cachin, et il admire le Marshal Pétain. Jacques Chirac est communiste, Georges Marchais.